Le Lièvre d'Amérique de Mireille Gagné. Découvrez ce roman coup de cœur en prenant part aux activités. Pour tout savoir sur la troisième édition d'Une ville, un livre, rendez-vous sur unevilleunlivre.ca. Bonne lecture! Québec. Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita. On a un horaire bien rempli encore ce soir, plein de bonne musique. Et on va amorcer avec Saga. Je sais que j'en ai présenté un extrait la semaine dernière de leur plus récent Symmetry. Et j'adore cet album. Les versions acoustiques sont vraiment pas anodines. Il y a beaucoup de recherches dans les arrangements. Et puis, ben, je vous en présente un second extrait. Ce sera suivi de Perfect Storm. Ça, c'est des nouveaux venus sur la scène progressive néerlandaise. Un premier album qui a pour titre No Air. Et on va conclure ce bloc avec deux formations françaises qui, je l'avoue bien humblement, ont passé un peu sous le radar ici. Je sais pas si c'est la COVID qui a aidé, mais bon, enfin, mieux vaut tard que jamais. Donc, c'est des albums qui sont parus en 2020. Le groupe Edenia, et c'est l'album Silence. Et l'autre groupe français, c'est Outside, de l'album Tumbleweed, leur cinquième album. Et on amorce avec Saga Symmetry. seem to fade away. Gone in a distance without warning. 1 minute with us, next minute miles away. So far away. This time Vienna, next time Calais. Further the better, with little of no delay.

CKRL. La vaccination contre la COVID-19 est en cours pour les groupes prioritaires. Allez sur québec.ca/vaccin-COVID pour suivre la séquence de vaccination prévue dans votre région et prendre votre rendez-vous en ligne. Au besoin, vous pouvez téléphoner au 1-877-644-4545. Après avoir reçu le vaccin, vous devez continuer de vous protéger en respectant les consignes sanitaires de base. C'est important. Le vaccin, un moyen sûr de nous protéger. Un message du gouvernement du Québec. Le palier d'alerte de votre région ou d'une région à proximité est orange. Afin de limiter la propagation de la COVID-19, les rassemblements d'amis ou de famille dans les résidences privées sont interdits et les déplacements vers d'autres régions sont à éviter. De plus, en zone orange, il est défendu de quitter son domicile entre 21h30 et 5h le matin. Visitez québec.ca/coronavirus pour connaître les règles spécifiques mises en place pour établir la situation. Respectez toutes les règles, tout le temps, sans exception. Un message du gouvernement du Québec. CKRL. On se dirige maintenant vers la Norvège avec Suburban Savages, un groupe qu'on vous a déjà présenté et qui a commencé sous le nom de Trond and the Suburban Savages en 2007. Un second album en 2017, 10 ans plus tard, Koriwa, et le récent Demagogue Days en 2021. On va écouter un extrait en tout premier lieu de cet album. Ce sera suivi de Barrow Prog Jet, de leur premier album Lucillo and Jada, un album double. C'est un début assez ambitieux. Ça sera suivi de Suburban Savage, mais le second album dont je vous parlais tantôt, le Koriwa. Et puis, on va boucler avec Hans Lundin. Je pense que ça va dire quelque chose. Ce nom va dire quelque chose à plusieurs amateurs. Claviériste et leader de la formation suédoise Kaipa. Lors de la séparation du groupe en 1982, Hans Lundin a enregistré 3 disques solo qui ont pour titre Tales, Vision of a Circle of Sound et Houses. Des albums qui sont parus entre 1984 et 1989 et qui sont maintenant disponible pour la toute première fois là, en téléchargement sur toutes les plateformes. Ça a été tout remasterisé et puis ben, nous, on va vous présenter un extrait du dernier album solo de Lundin qui a pour titre Arses, paru en 1989. Et vous allez probablement remarquer la présence d'un guitariste, un ancien membre du groupe d'ailleurs, Ryan Stolt, pour cette pièce. Et puis, eh bien, écoutez, on y va, nous, avec Suburban Savage, de leur album, leur plus récent album, le Demagogue Days. chante sul tuo arido dominium, la tua carezza di vento mi separa tra il bene ed il male. We'll be right back. as I'm dying, I am wondering what's the pin code to my card. Drain of meaning, love and wonder, like the fish bye-bye so long. While I'm dying, I am wondering, love still on a parchment locked. I'm confused, I check my browser, carry grams to help along.

Swallowed in the bone. Never hide, breathe while you're sleeping. was never at ease. The scent of the flowers filling the air. Here we go, here we go. Trying to land, feet on the ground. Here we go, here we go, here we go. 89. La vaccination contre la COVID-19 est en cours pour les groupes prioritaires. Allez sur québec.ca/vaccin-COVID pour suivre la séquence de vaccination prévue dans votre région et prendre votre rendez-vous en ligne. Au besoin, vous pouvez téléphoner au 1-877-644-4545. Après avoir reçu le vaccin, vous devez continuer de vous protéger en respectant les consignes sanitaires de base. C'est important. Le vaccin, un moyen sûr de nous protéger. Un message du gouvernement du Québec. CKRL. À Québec. Pour cette dernière demi-heure, ben on va commencer avec un groupe qui nous vient de l'Utah, Caliban. Je pense que ça va rappeler des souvenirs à certains amateurs de prog des années 90. Ça va être de leur second album Resistance et Useless. C'était le deuxième album en 1993 et il faut attendre 2017 pour revoir le groupe revenir avec Edge of Infinity. Ce sera suivi du deuxième album de la formation britannique Henry Fool, qui a pour titre Men Singing. C'est paru en 2013 et bon, on y retrouve Tim Bonus, Stephen Bennett, claviériste, mais qu'on va pouvoir retrouver plus tard sur le projet le britanno-norvégien Galasphere 347 en tant que claviériste et aussi chanteur. Mais là, je vous dis chanteur parce que malgré le titre Men Singing, il n'y a pas de chanteur sur ce second projet, malgré la présence de Tim Bonus, le complice de Steven Wilson. Et on y va avec Caliban. We'll be right back. sunrise home, stretch across the newborn sky. I'm wheeling high, new eagle fly. I see high vision, true at last. I found my strength, vibrations dance to me. This gift of sound. Spread around. Eh bien, c'est déjà le temps de vous quitter. Je vais vous laisser ce soir avec une formation allemande qui a pour nom Epidaurus, un premier album paru en 1977 qui a pour titre Earthly Paradise, et c'est un extrait de cet album qu'on va écouter. Et d'ailleurs, le groupe est revenu, peut-être, je vous dirais, presque 20 ans plus tard avec un second album, Endangered, qui est paru en 1995. Je vous invite à rester des nôtres pour l'autoroute dans quelques instants. Et puis, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la page Facebook de Terra Incognita. Revenez-nous la semaine prochaine et bonne nuit à l'écoute de CKRL.